après je coupe. Hein. Putain, ça marche plus. Ça. Salut Martin. La carte son qui déconne aujourd'hui. Ça avance, ça c'est quand même bien. Ah, c'est bon, je t'entends. Ah, il n'y en a plus. Putain, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Je t'entends plus. Ça y est, je t'entends.